大音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是消防车，守卫着这座城市。 出发！ 很多人说我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。 欢迎收听交响空间，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏柏辽兹戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》，由布列兹指挥克利夫兰交响乐团演奏。 Le geste est capé, le geste. Je parie que la reine Mab t'aura visité. Mab, la messagère vue et légère, elle a pour chat une coquille noire que l'écureuil a façonné. Les doigts de l'araignée ont filé ses armes. Durant la nuit, il m'a fait passer ma équipage. Dans le serment de page, il rêve, espiègle tout le monde sérénal au clair de lune sous la tour. En poursuivant sa promenade, la petite reine s'en va sous le col bronzé d'un soldat. Il rêve canonnade et vives estocades, le tambour, la trompette, il s'éveille à Bangir, les péages vont toujours, puis se rendant. Il ronfle avec ses camarades, c'est Mab qui faisait tout ce bacchanal. C'est un enfant qui dans un rêve habille la jeune fille et la ramène au bal. Mais le coq chante, le jour brille, Mab fuit comme un éclair dans l'air. Thank you. Thank you. Thank you. Vous avez repris la guerre de famille, suor bona trove vos al se criate orie prima sove joie plus qu'à mourir en ce péril extrême je lui fis prendre afin de conjurer le sort en breuvage qui le soir même lui prêta la pâleur le froid de la mort et je venais sans crainte ici la secourir mais Roméo trompé dans la funèbre enceinte m'avait devancé pour mourir sur le corps de sa bien-aimée. Presque sans réveil, j'y ai informé de cette mort qui porte en son sein dévastée du feu de Roméo. Approchez, Dieu vous punit d'abord. se foudre dangereuse, on le secret de nos terres. Entendez-vous sa voix qui tombe pour que c'est sa parole, c'est la croix. Le prêtre, il est Yeah. 今天的交响空间就到这里，感谢您的收听，欢迎继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。